Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Spécial Paul Person, le volume 2 de ses disques dédicace My Special Personnel Covers. Pour chaque titre que je vous ai sélectionné, je vous propose la version originale et ensuite la version de Paul Person. On commence avec Véronique Sanson, l'album Le Maudit, enregistré à Hollywood, paru en septembre 1974. La chanson s'appelle On m'attend là-bas, avec Stephen Stills à la basse. Et quand je veux jouer un peu le soir tranquillement dans le noir, c'est le même cinéma. On m'attend là-bas, on m'attend là-bas. Un taxi en bas et un aéroport, un avion sans bord. Dans un autre monde, une autre galaxie. Paul Person a d'ailleurs joué ce titre avec Véronique Sanson en duo lors de plusieurs concerts, notamment les Francofolies. Une autre galaxie ou dans une ville n'a plus fait du mal. Soudain, un télégramme vient m'annoncer que tout est dans le lac. C'est toujours la même histoire. On m'attend là-bas. On m'attend là-bas. Un taxi au bar. Un aéroport. Un avion s'envole. Ou dans une ville, partout dans les continents. Très belle interview de Paul Persson dans Guitar Part, et j'ai eu l'agréable surprise de voir et d'entendre qu'il avait repris une chanson de Claude Nougaro. Voici donc ce que dit Paul Persson à propos de Claude Nougaro et de sa chanson Bidonville. C'est une chanson que j'ai toujours aimée, qui me correspond. J'aurais pu en reprendre plein d'autres de Nougaro, comme Sing Sing, que j'avais joué dans une émission de télé. J'avais invité Claude. Il était venu avec Maurice Zander, qui l'accompagnait au piano. Dans l'émission, je lui dis que je la joue à la Johnny Hooker. Je fais un couplet, je lui dis que je préfère sa version. Et là, quand il se met à chanter, tu as les poils qui se dressent. Pour en revenir à Bidonville, j'aime bien le côté bossa, même si je ne l'utilise pas trop dans ma musique, à part quelques accords. J'ai trouvé que ça le faisait. J'ai procédé comme ça pour toutes les chansons que j'ai choisies. Elles passaient le test. Donne-moi ta main, camarade. J'ai cinq doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. Regarde-la, ma ville. Elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions. Je reverrai toujours, toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade. de là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités, à quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours, toujours. Jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera, camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends, camarade. En 1966, Hugo Frey sort Les Crayons de couleur, un super 45 tours, 4 titres. Voici ce qu'en dit Paul Persson. Il était très skiffle. J'ai aimé cette chanson la première fois que je l'ai entendue à la radio. Ce texte parle du racisme, de la tolérance. Quand je l'avais invité à jouer à la Cigale pour la soirée acoustique en 2007, je lui avais demandé de jouer cette chanson qu'on avait travaillée dans une version country. Là, je me demandais comment j'allais la reprendre. J'ai trouvé ce truc un peu sudiste à la Allman Brothers, avec un piano à la Chuck Level. Il aura fait toute sa pauvre vie. C'est une paix en noir, fils, plus de liberté pour lui. Petit garçon est venu me voir tout à l'heure avec des crayons et du papier. Il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur. Dis-moi comment le colorier. très fort et heureux. Faut-il peindre en bleu, en noir ou en blanc pour qu'il soit comme je le veux? Hey! Si tu le peins en bleu, fils, il ne te ressemblera guère. Si tu le peins en rouge, fils, on viendra lui voler sa terre. Si tu le peins en jaune, mon fils, il aura peint toute sa pauvre vie. Si tu le peins en noir, fils, petit garçon est rentré chez lui avec son beau cahier sous le bras. Il a essayé de dessiner toute la nuit, mais il n'y arriva pas. Si tu le peins, ressemblera guère. Si tu le peins en rouge, fils, on viendra lui voler sa terre. Si tu le peins en jaune, mon fils, il aura peint toute sa pauvre vie. Si tu le peins en noir, fils, une liberté pour. Chanson, c'est assez facile en somme. Je crois qu'il faut dire à tous les petits garçons que la couleur ne fait pas l'homme. Non, la couleur ne fait pas l'homme. La couleur ne fait pas l'homme. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici, sors. Beverly Joe Scott, Paul Person l'avait invité sur trois titres de son album Lost in Paris Blues Band. Pourquoi les hommes dorment dans la rue, maman? Sur des vieux journaux qui ne parlent que d'argent, du coup de l'or, des princesses du loto, sous l'homme qui dort par terre avec son chien et son couteau. Ça sert à quoi de partir sur la lune en bateau quand on a pour habiter sur terre que son manteau? Pourquoi bâtir des tours, des châteaux, tant que chacun sur terre n'a pas le droit de dormir au chaud, pas sur les bouches du métro, dormir au chaud, pas dans les lits d'hôpitaux, des dortoirs, des entrepôts, mais dormir au chaud, avoir un vrai chez soi, un vrai boulot, dormir au chaud avec chaque soir. Ça, c'est le riff de Dormir au chaud de Beverly Joe Scott, Miss BJ. Ouais, j'ai repris cette chanson parce qu'elle m'a touché. Le texte me causait évidemment, et la chanson est une super song. Et voilà, elle le fait d'une manière beaucoup plus moderne. Moi, là, on va dire que je suis reparti sur une base qui pourrait être presque du Neil Young ou quelque chose comme ça. Et ça peut peut-être plus ressembler à une démo qu'aurait pu faire Beverly avant de le moderniser, quoi. Moi, j'ai fait le chemin arrière et je suis reparti. Et donc, il y a une suite d'accords vraiment sympa. La mélodie est belle et j'avais envie d'en donner un peu ma sensation. Les hommes dorment dans la rue, maman, sur des vieux journaux qui ne parlent que d'argent, du cours de l'or, de princesse, de loto, sur l'homme qui dort avec son chien et son couteau. Ça sert à quoi de partir sur la lune en bateau quand on a pour habiter sur terre que son manteau? Pourquoi bâtir des tours, des châteaux, tant que chacun n'a pas le droit dormir au chaud, pas sur les bouches de métro, dormir au chaud, dormir au chaud. les hommes d'or dans la rue, maman. Devant ces maisons vides qu'on laisse pourrir pour l'argent. Pourquoi construire encore un seul bureau tant que dormir chez soi comptera pour zéro. Ça sert à qui le progrès? Les usines pleines de robots. Si les rues de ma ville sont pleines de clodos, pourquoi voir la misère dans les reality shows? Si le soir même on ne fait rien pour que chacun puisse enfin dormir au chaud. Jacques Higelin, l'album No Man's Land est paru en 1978. Il l'a enregistré, je pense, au studio d'Hérouville, car c'est Laurent Thibault qui est à la production et au mixage. Et puis il y a quelques très très bons guitaristes sur ce disque, Dan Arbraz, Pierre Chérez et Basile Leroux. Paul Person a choisi de reprendre Banlieue Boogie Blues. Le contrôleur me rentre dedans, et comme j'apprécie pas ses manières, j'y plante mes crocs dans sa lisière. C'est terminus, tout le monde descend. Le mercenaire de fonctionnaire, pauvre gosse qui a un gros chagrin, vient de s'allonger sous mon train. Du ciel crasseux tombe de la bruine, pendant que j'ai le moral qui tombe en ruine. Un légionnaire de Tataouine m'embrasse et veut me casser la gueule. Parti de rien comme un vrai zonard, t'as toutes les chances d'arriver nulle part. Reçu avec la mention zéro, à moins que ça soit 12 balles dans la peau. C'est le bon Dieu bougé. Bon Dieu bougé, au ghetto. Morceau de Jacques Higelin, banlieue boogie blues, voilà, c'est un blues, on va dire, à part que on commence par le deuxième accord. Je suis un genre de loup solitaire. Quand j'ai rien à me mettre sous la dent, je rentre dans un wagon restaurant. Voilà, en fin de compte, tout le morceau, tous les couplets sont basés là-dessus, jusqu'à arriver à la fin du couplet, du troisième peut-être, où il y a... Où là on passe sur le refrain, c'est le banlieue, banlieue boogie. Banlieue boogie, boogie blues. C'est le banlieue, banlieue boogie. Banlieue boogie, boogie blues. Ah oui, il y a un riff là. Ouais, il y a... et puis après... Et là, on tombe sur le truc, toi. C'est le banlieue, banlieue boogie. Banlieue boogie. C'est un blues, quoi. Boogie, boogie, boogie blues. bourré d'assassins, de mercenaires, de fonctionnaires. J'ai le moral qui tombe en ruine. Un légionnaire de Tataouine m'embrasse et veut me casser la gueule. Parti de rien comme un vrai zoneur, t'as toutes les chances d'arriver. Caractère blindé, y a des quais de gare, des soirs d'hiver qui te filent une méchante envie d'y aller. Surtout quand le dernier omnibus t'a largué jusqu'au petit matin. Pathétique, quand plus personne crache sur le fric, faudrait pas trop que tu désespères. De l'autre côté de la barrière, s'est flingué quand il a appris dans la misère. L'homme est un loup pour son frère qui avait pas l'air de le regretter. Si je te raconte tout ça ce soir, c'est que j'ai chopé un vieux coup de cafard. Mais je pense que t'as autre chose à faire qu'à écouter. C'est le banlieue. Bon ben voilà, c'était des petits exemples sur des sur mes petits délires sur ces chansons que j'ai essayé d'adapter un peu différemment. Bon, évidemment, comme je dis souvent, le mieux c'est d'écouter les originaux, d'aller jeter une oreille là-dessus, et puis ben, amusez-vous avec tout ça, quoi. Prenez du bon temps surtout. Allez, ciao. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir. Dans exactement 30 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 28 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.